à toutes et bonjour à tous. C'est le dernier samedi du mois et c'est le moment de la saga. Aujourd'hui, Casey and the Sunshine Band. Alors, c'est un groupe américain, comme vous le savez déjà, de funk, sinon il serait pas là, originaire de Yalley en Floride. Alors, Casey and the Sunshine Band est fondé en 1973 par le bassiste Richard Finch et le claviériste Harry Wayne Casey. Ils sont tous deux employés par TK Records, un label de disques de Miami. Au commencement était HW Casey qui répondra par la suite au doux sobriquet de Casey. Vendeur de disques près de Miami, il fait la connaissance de Richard Finch, à la fois ingénieur du son et bassiste. Ensemble, ils composent un premier titre, Blow Whistle, interprété par le Sunshine John Canoe Band, qui devient rapidement le Sunshine Band, une formation qui s'inspire d'une John Canoe, un style caractéristique des Bahamas. Et Casey compose pour George McRae le titre Rock You Baby, sorti en single en 1974. Ça va devenir leur premier hit. Il se vend à plus de 10 millions d'exemplaires. Le guitariste Jerome Smith, qui a participé à l'enregistrement de la démo de Rock You Baby, rejoint le groupe en compagnie de son frère, le trompettiste Ronnie Smith, et un ami d'enfance, le batteur Robert Johnson. Casey and the Sunshine Band compte alors 9 musiciens. I love you. Babe, I love you so. La même année, Casey and the Sunshine Band connaît le succès grâce à Queen of Clubs, qui se classe dans le top 10 au Royaume-Uni. Leurs titres Get Down Tonight et That's the Way I Like It atteignent la première place du top 100 aux US en 1975. Ils sont suivis de Shake Shake Shake Shake Your Booty, qui parvient au sommet des charts américains l'année suivante. Et en 1977, Casey and the Sunshine Band enregistrent les tubes disco Keep It Coming Love et I'm Your Boogeyman. Boogie Shoes figure aussi sur la bande originale du film La Fièvre du Samedi Soir, sorti en 1978. Le guitariste Jerome Smith est forcé de quitter le groupe en 1979 en raison de sa consommation d'alcool et de drogue. Le Sunshine Band est recruté par Epic Records en 1980. La même année, leur single Please Don't Go se classe en tête du Hot 100. Casey est victime d'un accident de la route en 1982 et doit passer plusieurs mois en convalescence. Son absence va marquer le déclin du groupe qui connaît un ultime succès avec Give It Up aux intonations latines qui mélangent percussion et cuivre. Le morceau sera extrait de l'album All In A Night Works qui se classe dans le top 20. Casey and the Sunshine Band se sépare au milieu des années 80. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. En 1991, Casey Kasem a reformé le groupe avec des membres nouveaux et l'album Oh Yeah est sorti en 1993. 8 ans plus tard, le groupe a sorti un autre album, I'll Be There For You, mais il n'y a pas eu de succès. Leurs chansons sont alors reprises par d'autres artistes et sont utilisées dans des spots publicitaires. Je suis sûr que lors de l'écoute de cette émission, il y a des choses qui vous ont rappelé des pubs. Alors, plusieurs compilations de leurs plus grands succès sont commercialisées en maintenant. Coming up. Au cours de leur carrière, ils sont nommés à 9 reprises aux Grammy Awards. 3 récompenses leur seront attribuées. Alors, ils ont une étoile qui leur est dédiée sur le Hollywood Walk of Fame. On va se quitter avec Get Down Tonight. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.